tête, la paix c'est quand on fait l'amour. Ouais, j'ai fait l'amour, je réponds pas car je suis jalouse. Tu me fous le démon, je l'avoue, les regards par mon amour. Je t'ai rappelé plusieurs fois, je suis tombée sur ton répondeur. J'ai laissé des messages, c'est jamais qui m'a répondu. Ton silence en dit long, wow. Je voulais que notre histoire dure pendant des plombs. Oh là, je pète les plombs. Car ton absence me rend ouf, ouf, ouf. Depuis, je vois plus rien autour, tour, tour. Cherche ton regard dans la foule, foule, foule. J'attends en haut, j'ai ma tour, tour, tour. Car ton absence me rend ouf, ouf, ouf. On s'est pas tout dit, je t'ai pas revu depuis des mois. La musique, je l'avais quand je t'écris des sonores. Tu m'as dit, tu fais la diff, t'es bien lorsque je suis près de toi. J'ai un goodie inabouti que je garderai jusqu'à la mort. Je peux pas le concevoir, je comprends pas pourquoi t'as peur. Je sens bien que t'en as marre, notre amour est pour actif. Allez viens on se voit, si ça se trouve demain on meurt. Tu réponds j'ai fait mon choix, nous deux c'est pas pour la vie. Car ton absence me rend ouf, ouf, ouf. Depuis je vois plus rien autour, tour, tour. Cherche ton regard dans la foule, foule, foule. Je t'attends en haut de ma tour, tour, tour. Car ton absence me rend ouf, ouf, ouf. Mais ton absence me rend.